J'ai des gawam, tellement ils jazz mon frère. Ils pointent puis grave le string de Mimi Mati à la grosse du maillon faible. Vas-y viens voir comment les gars écoulent leur dope. Plus de speak, un billet de concert de Johnny au parc des Princes. Dans nos rues c'est pas le club mais non, nos darons vont bientôt se déjouer par la fenêtre. L'heure n'est pas à la fête. On est foulette de pas devenir ce qu'elle voulait. On veut du cash et rapidement, sa mère la pute. Jette un regard même en coup de vent. Les gars sont chauds, n'importe qui peut t'envoyer te faire recoudre le ventre. À 4h t'as ton chiffre dans la meuf la plus bonne du secteur. Tu vas perdre un pote à 17h. C'est le ghetto, un jour tu ris, un jour tu pleures. C'est le ghetto, un jour tu tires, un jour tu meurs. Y'a pas me casser les poules. Dans mon quartier c'est plus simple trouver un gun. Que tu tapes, me pousse pas. Pour moi les OPJ se fatiguent. Mon daron me corrigeait à la ultimate fighting. Je vais dire négro t'es pas le seul à être en talot. Fais-moi plaisir, ferme là. Serre les fesses ou fous-toi en l'air. Tu vas pas raconter ta life au psy. Putain, c'est un héritage maudit. Mais c'est nos, nos HLM. Les potes qui partent. Les braquons précoces, c'est notre patrimoine. Si je pouvais dire ce que je pense, sans en blesser un seul, je le ferais. On est tous à bout et tu le sens, mon frère. Là où l'amour m'attend, je l'accueille à bras ouverts avant que la mort en fasse autant. Une chrysanthème de plus sur ma tombe. De l'explosif dans la rythmique, un couplet pour hématome. Et je partirai en tournée en sachant que la rue m'attend. Au tournant, voici le 9-3 et son héritage. Morgane opère pour un coup d'état vocal, né pour faire passer le courant. Masque à mauvais présage, vise cette plume, crois pas qu'elle s'use pour aboutir à ses fins. Au rap efficace comme d'hab, rime torrentiel sur la capitale. Du gros son lourd pour les zonards qui traînent tard le soir. La chine j'égore son sol pour les taudis qu'on a laissé brûler sans scrupule dans le 13. Où j'assable à nous sentir, ma tête est laissée pour compte de la société. On se laisse vivre comme dans Menace de Society. T'es ma comment les OPJ se fatiguent. Mon daron me corrigeait à la ultimate fighting. Je vais dire, négro, t'es pas le seul à être en talot. Fais-moi plaisir, ferme là. Serre les fesses ou fous-toi en l'air. Tu vas pas raconter ta life au psy. Putain, c'est un héritage maudit. Mais c'est notre, nos HLM. Les potes qui partent, les braquons précoces. C'est notre patrimoine. Le système calme mes frères et à nos pères serre à la gorge. Rien ne change dans mon ghetto, j'attends toujours l'avenue des anges. Moi je veux du gens, la vie des gens. Je m'en bats les reins, j'entreprends mes projets. Même si je suis défoncé les moves, ça me tient à cœur. Je suis un pirate pour moi négro, t'es qu'un petit hacker. Alors viens pas m'apprendre à tirer à la carte. On en a fait des tapes de merde au resto à la carte. J'en ai marre de jouer là-bas. D'être traqué comme un lapin, de jouer ma vie à la barre. Alors je lapide à coups de parpaing, les mes crayons sont des bits gore. On a compris que nos rimes étaient des mines d'or. Mine de rien, on s'en sort bien, non? On a la dalle et la tristesse d'un air de piano. On marche pas, nous, on marche pas dans vos combines. Ça va chauffer, alors enfilez vos combis. Les sons du rap pur comme la colombienne. J'ai trop niveau, je te bâche comme à la NBA. Me raconte pas ta vie, moi ce que je veux c'est des billets. Combien on fait la guerre pour des regards de billets? La rue c'est trop ambigu, on vit du bis. Et comme Socrate, tous condamnés à boire la ciguë. À zébu, les abus. On finit la tête et négro même si on a assez bu. T'es ma comment les OPJ se fatiguent. Mon daron me corrigeait à la ultimate fighting. Je vais dire négro t'es pas le seul à être en talot. Fais-moi plaisir, ferme là. Serre les fesses ou fous-toi en l'air. Tu vas pas raconter ta life au psy. Putain, c'est un héritage maudit. Mais c'est notre, nos HLM. Les potes qui partent, les braquons précoces. C'est notre patrimoine. T'es ma comment les OPJ se fatiguent. Mon daron me corrigeait à la ultimate fighting. Je vais dire négro t'es pas le seul à être en talot. Fais-moi plaisir, ferme là. Serre les fesses ou fous-toi en l'air. Tu vas pas raconter ta life au psy. Putain, c'est un héritage maudit. Mais c'est notre, nos HLM. Les potes qui partent, les braquons précoces. C'est notre patrimoine. Fous-toi en l'air. 93. Fous-toi en l'air. Fort ton père. Fous-toi en l'air.